Vous allez dire quelque chose. Est-ce que vous pouvez m'expliquer les règles de la galoche? C'est pas facile. Il faut regarder quand il joue. Tiens, là-bas, il faut un autre pour expliquer. Il y a Guy qui a. Lui, il a l'habitude. Il a la feuille. Allez, vous dites. Guy qui arrive. Il n'est pas payé, mais. Lui voudrait qu'on lui explique les règles de la galoche. Comme dit, il faut regarder jouer. Quoi, pour, On va aller regarder une partie. Oui, c'est bien. Oui. C'est lui notre président. Alors, il va vous expliquer ça mieux que moi. Merci. Ouais. Ça vous ennuie si j'enregistre pour vous expliquer? Oui.